السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله. الدرس de dimanche dernier, je m'excuse, il a pas eu lieu car on a une coupure de net totale. Qui n'est revenu que le net n'est revenu que à l'heure où j'aurais sûrement déjà fini le ders. Même le message où j'ai annoncé que le ders était annulé, il arrive en retard parce qu'il n'y a pas de net pour que vous le receviez en temps en heure. En ce moment, on a pas mal de coupures d'électricité et des fois ça amène à ce que ça coupe le net. Donc je m'en excuse. Et nastamir ala ma nahnu alayhi, inchallah. Inchallah qu'aujourd'hui ça se passera bien. Tayyib, nawasil fi qira'atina fi hadha al-kitab al-mubarak. On continue à lire dans ce livre Mubarak. Aujourd'hui, on va prendre Al-Hadith 40, 40e Hadith. Ou Al-Wahid 40, 41e Hadith. Ou plutôt, Afwan. Al-Thalathin ou Al-Thalathin. Non. Ou Al-Arba'in. 39e Hadith et 40e Hadith. Taïb. Yaqul al-Musannifu rahimahullah ta'ala. عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا الصلح حرم حلال أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن إلا النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit que la conciliation est permise entre les musulmans sauf une conciliation qui amènerait à interdire une chose qui est halal, ou en haram, une chose qui est halal, une chose qui est haram. Et que les musulmans doivent être fidèles à leurs conditions. Sauf une condition qui aura rendu haram un halal, ou qui a rendu halal un haram. Non. Donc cela revient à la loyauté et à la conciliation. يقول فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو حلال حرام. Donc ce hadith indique de base que la conciliation entre les musulmans est une chose qui est permise. Tant que cela n'amène pas à transgresser, c'est-à-dire une chose, on fait une conciliation à condition de rendre une chose halal haram ou de rendre une chose haram halal. Il faut que ça reste dans le permis, dans le cadre du permis. وهذا كلام محيط يدخل في جميع أقسام الصلح والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم. Et c'est une parole qui est globale, qui informe toute forme de conciliation. Car Allah Azza wa Jalla, dans le sens il a dit, et que la conciliation est un bien. Parce que cela peut emmener à ôter tout litige, à faire cesser les conflits ou à apaiser les cœurs et autres. D'accord ? La conciliation, tant qu'elle n'enfreint pas les limites, c'est une bonne chose. Donc là, il va citer certaines formes de conciliation qui sont fréquentes. Yaqul fa yadkhulu fihi as-sulhu fil amwal fil iqrar بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. Donc déjà, première conciliation, ce qui concerne les biens des gens ou les actes de reconnaissance. Par exemple, qu'une personne reconnaisse qu'elle ait une dette envers quelqu'un. D'accord ? Ou elle lui soit redevable de quelque chose. Ou autre. Alors à ce moment-là, il aurait permis de se concilier à ce que l'ayant droit ne prennent qu'une partie de ce qui lui revient. Il a le droit de dire, par exemple, une personne lui donne une somme d'argent, d'accord, et la réclamation de cet argent amène à un conflit entre eux. D'accord, ça amène à un conflit entre eux ou entre des différentes parties de muslimines. Donc on dit, pour éviter tout litige ou quoi, on va faire une conciliation, que la personne qui doive cette somme ou quoi, ne donne qu'une partie histoire d'arrêter d'arrêter le conflit. Par exemple, il peut pas rendre tout l'argent, et l'autre, il veut absolument son argent. Donc on dit d'ailleurs, le frère, à la Messalen, il te doit telle somme, je sais pas moi, par exemple, il te doit 100 euros, il n'a que 80 euros avec lui. Accepte 80 euros, par exemple. D'accord? Donc là, ça va amener à quoi? Ça va amener à un solh, une conciliation. D'accord? Une conciliation. Et cette conciliation n'amène pas à rendre halal haram. Là, c'est un droit que quelqu'un dont il se désiste. Donc, pour que les choses s'améliorent entre les deux frères, ou entre les parties des deux frères, la famille de l'endetté et la famille de l'autre, alors on décide de réduire la dette, par exemple. À ce moment-là, on aura fait une conciliation entre les deux. Et les deux doivent s'y tenir. Par exemple. Ou quelqu'un, un autre exemple, un frère a prêté sa voiture à un autre, selon les conditions, et l'autre a fait preuve d'insouciance un peu, et il a abîmé la voiture. Donc le premier frère a dit « j'ai ma voiture ». Et l'autre il dit « Yahi, désolé, j'ai pas le moyen de prendre la même voiture que celle que j'avais, que tu avais, je ne peux pas, mais si tu veux je t'en donne une autre à la place ». D'accord ? Donc, par conciliation, les gens vont encourager à ce que le premier accepte la voiture. Mais c'est pas la même. De son droit, et qu'il récupère la même. Mais là, ce droit-là, il ne lui est pas accessible. Et ça amène à un gros conflit. Donc, quelqu'un va se concilier entre les deux et faire en sorte que celui qui avait la voiture dont elle a été abîmée, qu'il accepte toute voiture, même si elle est moins bien, par conciliation. D'accord ? Par conciliation. Donc ça, c'est une conciliation qui est bonne et qui est valable. Naam. يقول وصلح الإنكار بأن يدعي علي حقا من دين فينكر ثم يتفقان على مصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة ومنفعة أو إبراء أو غيره فكل ذلك جائز. أو par exemple une personne qui n'admet pas par exemple qu'il ait une dette envers quelqu'un et ce quelqu'un dit si tu as une dette envers moi, d'accord, mais l'autre n'a pas de preuve de la dette. Et l'autre dit, j'ai pas de dette envers toi, par exemple. Non pas qu'il mente, mais pour lui, il n'y a pas de dette. Et l'autre pense qu'il a une dette, mais il n'a pas les preuves. Donc ça amène à un conflit entre les deux. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On s'est trouvé une conciliation pour éviter ce conflit entre les deux, quitte à ce que celui qui n'a pas de dette donne quelque chose en contrepartie, ou que celui qui réclame sa dette se désiste, ou alors, s'il dit, par exemple, tu nous dois tant, il dit, vas-y, donne-moi que la moitié de la somme, alors. Là, on parle bien de gens qui ne sont pas en train de jouer ou de gens qui sont en train de mentir. T'en as un, il est certain qu'on lui doit quelque chose, et l'autre, il est certain qu'il ne doit rien du tout. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de béyéna. À la base, si t'as pas de preuve, c'est qu'il n'y a pas de dette. C'est ça, la base. D'accord? La base, c'est que t'as pas de preuve, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'al-mudda'il béyénat, que celui qui prétend et qui avance, il doit porter une preuve de ce qu'il avance. Sans quoi les gens pourront accuser quiconque de quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, ça amène à un conflit. Cette revendication. Et les gens savent que celui qui réclame la dette n'est pas un menteur. Ce n'est pas une personne de mal. L'autre aussi, il est connu pour ne pas être un menteur. Donc on se dit, on s'est trouvé une conciliation entre les deux. De sorte à ce que même l'autre, s'il peut donner quelque chose, histoire de compenser ou quoi, on va essayer de le faire. Donc ça mène à quoi? Là, le but, là, c'est une conciliation. On s'est permis. كان يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما أو اشتبه مقادره فيتصالحان على أن يتفق على ما يتفقان عليه وتحريان العدل. Ou par exemple, des gens qui ont un droit qui est devenu inconnu, par exemple des personnes, ils avaient un négoce qui était très long. Et au final, ils ont oublié c'était quoi les choses qui étaient convenues. Ils avaient convenu des choses, mais ils ont oublié c'était quoi. Tant la chose, le négoce, elle était long, ou la relation, elle était longue. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'est trouvé un point d'accord entre les deux. Un point de conciliation entre les deux. Pour que chacun y trouve du sien. Et surtout pour arriver à une conciliation entre les deux parties. Et chacun forcément de trouver la chose qui est la plus proche de la vérité. Comme on dit, pas d'abus. D'accord? Pas d'abus. Et pas de profit. Mais vraiment, trouver une conciliation basée sur la vérité. طيب وكذلك يدخل في هذا مصالح بين الزوجين في حق من حقوق الزوجة الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت حال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن، كما قال تعالى في حقهما: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. Donc il en est de même dans les conflits conjugaux, pour concilier entre les deux époux, les deux conjoints. D'accord ? En ce qui touche à la dépense, à la nafaka, en ce qui touche à l'habillement, ou en ce qui touche au logis, ou autre. Ce sont des choses qui sont passées ou des choses qui sont actuelles, d'actualité. À tel point que même s'il faut que l'un des deux se désiste d'un droit. D'un droit qu'il a, pourquoi ? Afin que la relation s'améliore. D'accord ? Car il faut pas tout le temps rester buté sur les droits. Toi, tu me dois ça. Toi, tu me dois ça. Des fois, ça mène à un grand mal. Des fois, il faut savoir fermer les yeux et se désister de certaines choses pour aller de l'avant et pouvoir assouplir les relations et les améliorer. D'accord ? Donc, il est possible des fois que la femme soit moins dure avec son mari dans les droits qu'elle a, dans la dépense. Tout comme lui, le mari, soit un peu plus souple avec sa femme dans les droits qu'il a fait sur elle, sur la maison ou certaines choses. Pourquoi ? Le but, c'est de trouver une conciliation. Ne pas rester en conflit, de ne pas rester en rudesse et de rester en discorde. Car ça, c'est une vie qui amène à trouver plus de saveur dans le foyer. Tout ça pourquoi ? Tu m'as pas donné ça tel jour, alors tu me le dois, c'est mon droit, et l'autre il dit ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc savoir des fois se désister. Dans le sens où Allah est dit, et qu'il n'y a aucun mal entre les deux, qu'ils se concilient, d'accord, et que la conciliation est meilleure. Et ce verset est descendu à la base pour Saouda, l'une des femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était âgée. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait se séparer d'elle. Que elle voulait rester avec lui, qu'elle savait qu'elle avait plus intérêt à rester avec lui, qu'elle se trouvait séparée, surtout qu'elle était âgée, et qu'elle n'avait plus rien à voir. Donc, juste pour rester avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a délaissé son jour à Aïcha. Donc elle a fait quoi ? Elle s'est désistée. À la base, elle avait droit à son jour en tant que femme. D'accord ? Mais elle s'est dit, je ne préfère ne rien avoir et rester épouse avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que réclamer une chose qui me revient, et qu'au final, je perde tout. Donc elle a dit, je laisse mon jour à Aïcha. Car je sais que Aïcha, c'est la femme préférée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc en faisant cela, elle a réjoui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lui donnant une chose qui lui tenait à cœur. D'accord ? Elle lui a fait plaisir. Elle lui a fait plaisir. Donc elle a été récompensée pour cela. Quitte à ce qu'elle se désiste dans ce droit. Donc toujours c'est trouver une conciliation entre les époux. Lors d'un désaccord. D'accord ? Tant que cela n'amène pas à un halal un haram. Ou un haram un halal. Par exemple, la femme elle te dit, bon, je veux bien telle et telle chose de toi, à condition que tu me laisses sortir ma salaine sans mon hijab. Ben là, on va dire non. Ton hijab, t'es obligé de le porter. D'accord ? Ou la femme, le mari dit, d'accord, je vais bien t'offrir tel et tel cadeau, mais à condition alors ben que je fasse tel et tel travail. J'aurai une meilleure paye. Dans ce travail, il y a du haram. Ben, la femme va dire, ah non alors. Tu fais pas ce travail-là parce qu'il y a du haram dedans. Par exemple. Et autre. D'accord ? Faut pas que ça amène à un halal un haram ou un haram un halal. Faut que ça reste dans les limites du shara. La conciliation dans les limites de la législation. Ensuite, le shir dit, Igali, Yakul, Wakazalika al-Sulh, anil qisas, fin nufus. Également la conciliation lorsqu'il s'agit du talion, du droit du sang. Par exemple, il y a eu un meurtre ou il y a eu une blessure qui a été faite et que l'incriminé doivent soit subir le talion, c'est-à-dire subir ce qu'il avait subi à autrui, soit exécution, peine de mort, s'il a tué quelqu'un volontairement, ou s'occuper de prix du sang, ou autre. Donc là, il est permis de concilier entre l'incriminé et les proches de la victime, par exemple, qu'il pardonne, qu'on n'applique pas sur lui le talion, mais qu'en contrepartie, donne telle et telle chose. Ou ils disent, d'accord, on te pardonne à condition que tu fasse tel et tel acte. Masalan, tu construis un orphelinat. Ils vont dire ça, par exemple. Fais un orphelinat. Si tu fais cela, on te pardonne. Par exemple. Ou on te dit, par exemple, on a notre une personne qui est dans le besoin. Alors toi, chaque mois, tu donnes telle somme pour pouvoir aider à sa dépense. Et en contrepartie, on ne paye pas le talion sur toi ou telle et telle chose. Donc là, il est permis, ils ont trouvé un accord, conciliation. Là, c'est permis d'appliquer. Chacun y trouve son avantage. D'accord ? C'est un exemple là, qu'on donne là. C'est un exemple qu'on donne là. Ou quelqu'un, Massalène, qui aurait fait des dommages matériaux, et l'aurait, je sais pas moi, abîmé ta maison, ou, comme tout à l'heure on avait dit l'exemple de la voiture, on dit, en contrepartie alors, plutôt que rembourser une voiture ou quoi, tu viens chez moi, par exemple, et t'as, par exemple, il sait qu'il a des compétences de plombier, il a dit, tu refais ma plomberie chez moi. D'accord ? Massalène. Si tu l'acceptes, là, c'est bon, ils sont conciliés, ils ont fait une conciliation, l'accord il est mis en place et c'est acceptable, c'est valable. Les gens s'arrangent entre eux en fait. Le but c'est de s'arranger en soi, tant que ça mène pas à haram ou le contraire. Donc le sulh c'est une bonne chose. طيب. يقول أما الشروط فأخبر فيما في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلى شرط أحل حراما أو حرم حلالا. Donc il dit également que les musulmans restent sur leurs conditions de base. Ils sont mis d'accord sur les conditions avant d'entreprendre un accord entre eux. Ils émettent des conditions. Ces conditions, ils doivent s'y tenir. Tant que cette condition-là n'amène pas à désobéir. Mathalène, des gens se mettent d'accord sur une vente. Un frère, il dit, il achète ta voiture, mais une condition, Mathalen, que tu me la ramènes jusque chez moi. Par exemple, un frère, il est à Marseille, l'autre, il est à Paris, et il dit, Harry, ils sont rencontrés, je sais pas moi, sur des réseaux ou quoi, il y en a, ils vendent sa voiture, et il dit, je t'achète ta voiture, ou l'autre, plutôt, il dit, je te vends ma voiture, mais à condition que tu viens la chercher. C'est toi qui viens la chercher, pas moi qui la ramène. Par exemple. Donc, la vente, elle est conclue, donc l'autre est obligé de venir la chercher. Il n'a pas à dire, ouais, la voiture, c'est bon, vas-y, ramène-la-moi, en fait, changer d'avis. Non, ils sont mis sur des conditions. La vente, elle est faite. C'est à lui de venir la chercher ou de s'arranger pour que quelqu'un vienne la prendre à sa place. Ou, par exemple, ils disent, la voiture, je te l'achète à condition que tu me refasses telle et telle chose. Il y a tel défaut. Tu m'en fais le pare-brise ou tu me refais telle et telle chose. D'accord? S'ils acceptent, à ce moment-là, alors les conditions doivent être appliquées. Mathalan. Où on trouve souvent les conditions, lors d'un acte de zawaj, de mariage, à l'avance. Lors de la khidba, par exemple. Ça, c'est fréquent. Les deux futurs conjoints se mettent d'accord sur les choses. Il y a des conditions, à la base, elles n'ont pas besoin d'être émises, car elles sont de la religion. Par exemple, t'as des sœurs, elles disent, ou des frères, elles disent, moi, je suis marié à condition qu'on fasse la hijra, par exemple. L'exemple qu'on cite souvent. C'est une condition, elle n'a pas besoin d'être émise, car à la base, elle est obligatoire. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, moi, je me marie avec Fulana à condition que on fasse la hijra. À la base, même si tu ne l'as pas dit et que tu te mets avec elle, si tu pars, elle doit te suivre. Sans avoir mis de condition à la base. Mais des fois, comme tu peux craindre d'avoir affaire à une personne faible en foi ou une personne qui soit excusée de la hijra, elle peut pas partir. Tu vois, je te mets avec elle, mais je sais pas, elle a des raisons qui l'empêchent de partir, elle est malade ou... X raison, elle ne pourra pas partir. Alors là, à ce moment-là, tu peux pas lui imposer de partir. D'accord? Tu peux pas l'imposer de partir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, le mariage entre toi et moi ne sera pas possible parce que moi, je compte partir. Toi, tu ne peux pas. Donc ça va me bloquer. Donc, d'emblée, ils se mettent d'accord qu'ils ne se marieront pas. Comme ça, il n'y a pas de conflit par la suite. Mathalène. Ou une sœur qui met comme condition, moi, je veux bien me marier avec toi, mais tu me laisses travailler. D'accord? Tu me laisses travailler. Le mari, à ce moment-là, il doit dire oui, c'est une condition qui est valable, à condition que le travail soit halal. Tu travailles, d'accord, à condition qu'on ne soit pas dans la mixité, que tu puisses être couverte, et que cela ne t'empêche pas de faire tes obligations au foyer et tes obligations religieuses. Donc, tu travailles dans les bonnes conditions. Si jamais c'est comme ça, moi, je veux bien que tu travailles. D'accord? Mais si elle dit, je vais travailler, et son travail n'est pas correct, alors là, il n'a pas le droit d'accepter. Ou même si on dit que, par exemple, qu'elle dit, je travaille, au début, ils sont pas mis d'accord sur le travail. Il accepte le frère. Après, trouve un travail qui n'entre pas dans les conditions islamiques. Il peut lui l'empêcher. Elle dit, oui, mais tu m'as dit oui au début, je peux travailler. Oui. Je t'ai dit oui, mais un travail qui est dans les conditions qui sont correctes. là ton travail n'est pas correct. Donc je peux pas te laisser travailler là-dedans. Car ça amènerait à contredire le hadith, une condition qui amènerait à rendre halal haram. D'accord? Donc les conditions qui restent légiférées. Donc ça, c'est les choses qu'il faut prendre en compte. Les musulmans, quand ils rentrent dans un accord avec quelqu'un qui a un engagement, qui a des conditions qui sont halal, ils doivent s'y tenir. Ils n'ont pas le droit d'enfreindre par la suite. Dans un travail, par exemple, ton ex se met d'accord avec un frère, toi, je travaille pour toi au noir. Pas de fiche de paye, rien du tout. Mais si t'arrives telle chose, c'est moi qui endosse, ou ils se mettent d'accord sur les congés payés, ou quoi, ils se mettent d'accord entre eux. Sans que ce soit déclaré, par exemple. Et ben, si, après, par la suite, il y a, un problème qui amène à ce que le frère tombe malade ou quoi, alors l'employeur doit respecter les conditions. Et par exemple, ils se mettent d'accord sur une période précise de congés payés, il le paye. Si le frère, il est malade. Il dit pas, ouais, Achri, t'as vite, je peux pas te déclarer, je peux pas te le faire, j'ai des problèmes avec l'État, et ainsi de suite. On dit, Achri, on s'est mis d'accord au début. Massalène. Car beaucoup de frères travaillent au noir pour des frères en France. D'accord? Ils ont le droit. Donc, ils n'amènent pas à tricher derrière pour être au noir et après aller mentir à l'État pour toucher des aides. Ça, non. Ça, cher Mongbu dit que c'est pas permis. Travailler au noir pour mentir à l'État pour après toucher des aides. Ça, non. D'accord? Si jamais tu travailles au noir, Massalène, tu ne mens pas à l'État en disant, je travaille pas pour toucher des aides. Ça serait du mensonge. Et le mensonge, c'est haram. Mais il travaille au noir, il assume sa non-déclaration à l'État. Mais il se met d'accord par peur de subir certains dédommagements, certains préjudices par la suite. Il se met d'accord avec l'employeur. Les deux doivent se tenir à ce qu'ils ont dit. Lui en tant qu'employé et l'autre en tant qu'employeur. Ils se mettent d'accord. C'est pour ça qu'on conseille les gens depuis le début, soyez clairs entre vous. Des choses limpides. Claires. Naam. Tayyib. Donc ça, c'était le premier hadith qu'on a pris des deux. ثم قال في الحديث الأربعين 40 حديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم وإن أدبع أحدكم ملا مليء فليتبع donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que tarder le retard du riche est une injustice. Et que celui, là, il fait allusion à la dette. Celui qui a une dette envers quelqu'un, et qui a les moyens de la rembourser cette dette, mais qui tarde, qui ne donne pas l'argent à l'endroit, tombe dans la justice. Et il dit à la suite, et quant à celui, par exemple, qui ne peut pas être en mesure de payer, mais qui peut faire en sorte que quelqu'un d'autre paye pour lui, ou endosse la dette, alors qu'il le fasse. Et on va expliquer dans le hadith qu'est-ce que cela veut dire. Naam, le hadith, il est muttafaqun alayh. قال تضمن هذا الحديث الامر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الامرين او احدهما. Donc ce hadith vient pour montrer le bon comportement, la bonne façon de pouvoir rembourser et la bonne façon de pouvoir percevoir la dette pour le créditeur. Pour les deux. Et qu'il faille délaisser tout ce qui amène à nuire à l'un comme à l'autre. Qu'on ne peut pas nuire, on ne peut pas nuire au créditeur, donc on ne peut pas nuire à l'endetté. فَقَوْلُهُ مَتْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ أي المعاصرة في أداء الحق الواجب ظُلْمٌ لأنه ترك الواجب العدل إذا على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إذا طلب وللحاح أو شكايا فمن فعل ذلك ما قدرته على الوفاء فهو ظالم. Donc ça veut dire que celui qui a emprunté de l'argent ou qui a payé une chose à crédit, par exemple, qui a acheté une chose à crédit, c'est-à-dire qu'il a pris le produit, la marchandise, mais il la paiera plus tard. Et qu'après, il est en mesure de le rembourser, et qu'il ne le fait pas, alors il deviendra injuste. D'accord? Si le créditeur réclame son argent, et que l'endetté a les moyens de rembourser, et qu'il ne le fait pas, et qu'il laisse traîner, qu'il laisse tarder, au tel point que l'autre se plaint, l'autre lui réclame et qu'il donne pas, alors il tombe dans la justice. D'accord? Car cela t'empêche dans le droit aux gens. Tu as pris une dette envers quelqu'un. Cette dette, la somme, t'es pas revenu, tu vois, le moyen de la rembourser. Ça veut dire, tu peux rembourser la dette et après t'es pas en galère derrière. Parce que des fois, par exemple, je sais pas, moi, t'as emprunté une somme à un frère. Un exemple, tu as emprunté 1000 euros. Et peu de temps après, tu as 1000 euros qui viennent. Mais t'as que ça. Si tu rends cet argent-là directement au frère, les 1000 euros, t'as plus rien. À ce moment-là, tu ne rentres pas dans le hadith. Là, on parle de quelqu'un qui peut rembourser et qui après peut assumer. D'accord ? Quelqu'un qui est en mesure de rembourser sans que cela ne le mette par la suite dans la gêne. D'accord ? Donc lui, celui qui a les moyens de rembourser, mais qui ne le fait pas, et que l'autre réclame son dû, il tombe dans l'injustice. C'est ça qu'il dit. والغني والذي عنده موجودات مالية بقدر ما عليها الوفاء. Donc le rani, le riche, c'est celui qui a la dette suffisante, l'argent suffisant pour prendre sa dette. D'accord ? Prendre sa dette, et bien sûr derrière, il peut assumer ce qu'il a à faire. Il peut assumer ce qu'il a à faire. ومفهوم الحديث أن محصر لا حرج عليه في تأخير. وقد أوجب الله على صاحب الحق إنذاره إلى ميسرة. Et dans ce hadith, on comprend également le contraire. Que celui, par exemple, qui est endetté, qui n'a pas les moyens de rembourser la dette, il faut patienter sur lui. Il faut, par exemple, ils sont mis d'accord sur une échéance, un délai, et que le délai est arrivé, et que la personne n'a pas les moyens de rembourser, il faut repousser encore. Il ne faut pas dire, mais ça fait un mois, rends-moi mon argent maintenant, tout de suite. Il n'a pas les moyens, frère. Donc Allah, dans le Coran, il a ordonné que celui qui a une dette, et qui n'est pas en mesure de la rembourser, réellement, que le créditeur repousse. Il soit miséricordieux envers eux. Et il y a un hadith qui est venu, donc je n'ai plus le lafz en arabe, qui dit que celui qui a prêté de l'argent à quelqu'un et que le délai est arrivé et que l'endetté n'a pas les moyens de rembourser la dette, alors qu'il repousse ce remboursement, chaque jour de patience sur l'endetté équivaut à une aumône équivalente à cette somme qu'il a prêtée. C'est comme si il donnait chaque jour en aumône cette somme-là. Un exemple, tu as avancé à un frère 100 euros. Et que le frère, il t'a dit, je te rends les 100 euros dans 2 semaines. Les 2 semaines sont arrivées. Le frère n'a pas les 100 euros pour te rembourser. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas pas dire, ah, ça fait 2 semaines, rends-moi mon argent maintenant. Là, il n'a pas les moyens. C'est pas grave, on repousse à plus tard. Je te donne un mois si tu veux. Il redonne un mois. Et bien pendant ces un mois-là, chaque jour de patience, c'est, il aura la récompense de quelqu'un qui aura donné 100 euros en aumône chaque jour. D'accord? Et le meilleur de tout cela, c'est si jamais il efface la dette. Là, c'est le meilleur de tous. Si le frère a vraiment du mal à rembourser. Le mois, il est arrivé, le frère a toujours pas pu rembourser les 100 euros. Le meilleur, hein, c'est qu'il dira, ah, là, c'est pas de dette. Je te l'efface, la dette. D'accord? S'il veut la réclamer, il peut la réclamer. Ou plutôt, on va dire la repousser, à plus tard. S'il veut, il peut la réduire. Il dit, khalas, akhi, vas-y, tu ne dois que 80 euros, si tu veux, ou 50 euros. Il a le droit de demander ça, hein, d'accord? Mais le meilleur, s'il l'efface, c'est ce qu'il y a de mieux encore, le plus noble. Et c'est pas perdu pour lui. On a appris auparavant dans le hadith, « Manakasat sadaka mil ma'alin » qu'une sadaka qui est faite ne réduit rien de ton argent. Tu as fait une sadaka à quelqu'un, cet argent-là, tu vas le retrouver en décuplé dans d'autres domaines, sans même que tu te rendes compte. Et tu aurais le ajr, et tu aurais mis dans le cœur de ton frère un soulagement. Qu'être endetté, c'est pas facile quand on a une dette. C'est lourd pour la conscience. Et toi, la personne, tu l'auras soulagé de cela en disant, khalas, la dette, elle est finie, mon frère. Donc ce frère-là, il va t'aimer plus. Donc tu auras suscité en lui plus d'amour pour toi. Tu auras un comportement exemplaire et noble. Tu auras été généreux. D'accord? Et en plus, cette sadaka-là, tu vas la retrouver en ce bas monde et dans l'au-delà. Tu as tout à gagner à le faire. Mais, il t'est légitime de réclamer ton dû. On dit pas que t'es injuste. Ou que t'es méchant, non, c'est ton droit. Mais on peut dire, on va t'inciter à faire ce qui est le meilleur. Tu n'es pas dans le besoin. Et le frère dans le besoin, quoi? Mais sur la dette. Ça se trouve, les 100 euros, on va te les rendre. Ça se trouve, les 100 euros, tu vas faire n'importe quoi avec. Tu vas acheter un truc inutile ou quoi? Donc, autant les mettre sur un sentier de bien qui amène ce qu'un musulman, tayyib, s'en sorte. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa un musulman, fi la dunya nafasa Allahu anhu, fi dunya wal akhira. Que celui qui aura soulagé un croyant en ce bas monde, que Allah Azzawajal va le soulager en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, c'est tout à ton honneur et tout à ton avantage. En réalité. Naam. Tayyib. Donc ensuite, il dit, فمن غصب مال لغير أو سرقه أو جهد حقا عنده لغير أو بعضه أو أدى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو مات له بحقه من وقت آخر أو أدى إليه أقل مما أوجب له ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم وظلم ظلمات من القيامة على أهله. Donc là maintenant l'auteur il revient sur celui qui ne rend pas le droit comme il se doit. Il dit, celui qui sera accaparé du droit de quelqu'un, ou qui l'aura volé, ou qui aura refusé de le rendre, un dû, ou une partie du dû, d'accord, ou qui n'aura pas rendu la chose comme convenu, ou autre, et qui aura tardé, alors qu'il aurait moyen de le faire, lui, il sera un injuste. Il a appelé que l'injustice seront des ténèbres yom al-qiyama. L'injustice sur les ténèbres yom al-qiyama. Celui qui est en mesure de rendre, qui a pris, qui a emprunté et qui s'est engagé à rendre, même si, par exemple, il a volé, quelqu'un a volé, il s'est pas engagé à rendre, mais il doit rendre. À la base, voler n'est pas permis. Donc, il s'est pris un droit de force qui ne revient pas. Une chose qui n'est pas de son droit, qu'il l'a prise, il s'en a accaparé ou quoi. Il doit rendre cela. S'il ne le rend pas, d'accord, dans sa totalité comme convenu, sauf si l'autre se désiste, comme on a dit tout à l'heure, alors il aura été injuste et il en paiera le prix par la suite. Et il n'y a pas une chose, comme dans un hadith c'est venu, qui amène à ce que Allah Azzawajal, disant son châtiment, qui hâte son châtiment sur une personne, que l'injustice. L'injustice, c'est le plus grand mal qui est, et il est à la base de tous les maux. Le shirk est une injustice. D'accord ? La bid'a est une injustice. Le vol est une injustice. Le mensonge est une injustice. Et ainsi de suite. Le mal est une injustice de base. Et ensuite, cette injustice diffère d'un degré à un autre. Ça dépend dans quel contexte tu étais injuste. Mais la pire injustice, c'est le shirk, bien sûr, comme on l'a dit. Mais entre les créatures, cette injustice est interdite. Comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudsi, « Ya ibadi » إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Donc ce qu'il a dit aux mes serviteurs, aux fils d'Adam plutôt, Yabn Adam, Nam. Je me suis rendu à moi-même l'injustice illicite et je l'ai rendu entre vous illicite. Alors ne vous lésez pas les uns les autres. Donc la justice, toutes ses formes, est interdite. Nam. Et ensuite il dit, l'auteur, que celui qui a comme on expliquait une dette, on lui doit de l'argent, il a le droit de suivre sa dette, de s'enquérir des nouvelles de la dette, mais cela sans harceler l'endetté, tant que celui-ci est dans le besoin. Il n'a pas à le harceler, insister et à être dur avec lui. D'accord ? Par contre, si celui qui a une dette n'est pas en moyen de rembourser directement, mais qu'il trouve quelqu'un qui peut rembourser à sa place et qui rallonge son délai. Par exemple, l'exemple, tu as Ibrahim qui a avancé 100 euros à Zayd. D'accord ? Et le délai est arrivé, ils ont mis un mois. Ibrahim, il vit au bout d'un mois, il demande à Zayd son argent. Ibrahim a besoin de l'argent. Zayd n'a pas l'argent. Et Ibrahim en a besoin. Alors à ce moment-là, Zayd a le droit de dire à un troisième, qui s'appellerait par exemple Omar, que Omar, c'est lui qui s'engage à rembourser Ibrahim. D'accord ? Là, la dette est transférée. Donc à ce moment-là, d'accord ? Zayd ne doit plus rien, et c'est Omar qui va payer la dette. Par exemple. Donc la dette est transférée. C'est-à-dire à ce moment-là, Ibrahim ne vient plus voir Zayd. Il va voir Omar directement. Khalas, entre Ibrahim et Zayd, c'est fini. Même si Omar ne paye pas, c'est fini entre Zayd et Ibrahim. Maintenant, il y a un autre angle, c'est qu'il se peut que Zayd, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'endette auprès de Omar. C'est-à-dire que Omar rembourse la dette à Ibrahim, parce qu'Ibrahim est pressé, il a besoin d'argent. Donc Omar donne les 100 euros à Ibrahim. Et à ce moment-là, la dette, elle est transférée sur entre Zayd et Omar. D'accord. Omar il dit à Zayd, خلاص, moi je te laisse 6 mois. Le plus important, c'est qu'on a remboursé Ibrahim, Ibrahim dans le besoin, rend Ibrahim sa dette. D'accord. Et c'est moi qui endosse. Et t'en as pour 6 mois. Inch'Allah. D'accord. T'en as pour 6 mois. Donc à ce moment-là, la dette, après, elle est entre Zayd et Omar. Entre Ibrahim et Zayd, il n'y a plus rien. T'as vu, Bahada? Donc ça, c'est une chose qui est permise. Un transfert de dette entre l'autre, envers une autre personne. Soit la dette, elle est effacée complètement. Ou soit les transférer. Voilà, Kada. Donc, dans ce hadith, on comprend que celui qui a une dette et qui est en mesure de la rendre et qui tarde à le faire, il devient injuste. D'accord ? Et que celui qui est prêté à quelqu'un, à une personne qui a du mal à rembourser, qu'il patiente sur lui. Et sinon, il est permis à l'endetté de transférer sa dette sur quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le créditeur doit accepter. L'essentiel, c'est que son argent lui revienne. Que ce soit Zayd ou Omar qui rembourse, Ibrahim, son dû le reçoit. D'accord ? Donc si la dette est transférée à quelqu'un d'autre, Ibrahim doit l'accepter. Il ne doit pas dire « Non, moi, que ce soit Zayd qui me rembourse impérativement. » On te dit, le plus important, c'est toi, Ibrahim, que ton argent te revienne. Que ce soit Zayd ou Omar ou Abdullah, ou quiconque qui te rende l'argent, ton argent te revient. Donc tu dois accepter. Tu dis pas, non, c'est Zayd qui m'embourse, il n'y a pas moyen que lui qui m'embourse. D'accord ? Faut accepter que la dette soit transférée vers quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre te rembourse. Non. Voilà ce qu'on a pris comme règle de ces deux hadiths aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On a tafi bien del cadre. Et on rappelle le rendez-vous de dimanche, Inch'Allah, la conférence qui aura lieu à 15h. Bismillah, tout se passe bien avec la connexion. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته